Le comité national d'études du kimilsonisme kimdongnisme du Nigéria a inséré dans leur page d'internet l'article titré « Le drapeau invariable du mouvement pour la réunification coréenne ». Il a écrit que la nation coréenne mène une lutte pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et de la déclaration du 4 octobre et pour une époque de la paix, de la réunification et de la prospérité.